où des reconstitutions des forges sont présentées au musée des temps barbares, situé à Marle, une petite ville du nord de la France, dans l'Aisne. Des forges ayant existé à quelques kilomètres de là, le goût de l'encre est perpétuel.